Ses mains n'ont pas vendu d'orange, ni bruni sur les pieds des dieux. Ses mains n'ont pas lavé les langes des lourds petits-enfants sans yeux. Ce ne sont pas mains de cousines, ni d'ouvrières au gros front, que brûle, au bois, puis en l'usine, un soleil ivre de goudron. Ce sont des ployeuses et des chines, des mains qui ne font jamais mal, plus fatales que des machines, plus fortes que tout un cheval. Remuant comme des fournaises et secouant tous ces frissons, leur chair chante des marseillaises, et jamais les éleisonnent. Ça serrerait vos coups, ô femmes mauvaises, ça broierait vos mains, femmes nobles, vos mains infâmes, pleines de blancs et de carmins. L'éclat de ces mains amoureuses tourne le crâne des brebis. Dans leurs phalanges savoureuses, le grand soleil met un rubis. Une tache de populace les brunit comme un sein d'hier. Le dos de ses mains est la place qu'en baisa tout révolté fier. Elles ont pâli, merveilleuses, au grand soleil d'amour chargé, sur le bronze des mitrailleuses, à travers Paris insurgé. Ah, quelquefois, ô mains sacrées, à vos poings, mains où tremblent nos lèvres, jamais désanivrées, crie une chaîne aux clairs anneaux. Et c'est un soubresaut étrange dans nos êtres, quand, quelquefois, on veut vous déhaler, mains d'ange, en vous faisant saigner les doigts.